voici votre bulletin régional. Activité Mijoton à dos au Centre culturel de Hastings le 25 avril. Comme le nom le dit, ça s'adresse aux ados, pour cuisiner et apprendre à cuisiner, organisé par la relève du Haut-Saint-François. Inscription ou information à facebook.com/relève-hsf ou à la-relève-hsf@hotmail.ca ou à 819-86-1508. Troisième édition de la compétition amicale de cheerleading à la Cité-École Louis-Saint-Laurent, le 25 avril à 13h. Tarif 5 ans et moins gratuit, 6 à 10 ans 3$, 11 ans et plus 5$. Le samedi 25 avril, à partir de 20h, à la salle Guy-Veilleux à Crookshire, est organisée une soirée de dance country. Animation Daniel Lepage. Entrée 8$. Au Centre culturel de Whiddon, on aura l'occasion de voir le célèbre André Lejeune le 26 avril à 14h. Les 27 avril et 4 mai, de 18 à 21h, une formation, donnée par Jean-Marc Bosque, est offerte au SADC du Haut-Saint-François, deuxième étage, à Hastings. En quelques heures, avec les outils votre site.ca, créez vous-même votre boutique en ligne. Tarif pour la formation, 20$ pour les membres et 25$ pour les non-membres. Inscription auprès de la Chambre de commerce du Haut-Saint-François au 819-832-4950 ou par courriel à info@chambredecommercehsf.com.